go say sa. Y'a plein qui est-ce qui pral démarrer, yo. Enga out sa pa gen danger. C'est l'ambre plaisir moi. C'est l'ambre feeling moi. Hey, hey, tête calé. Enga out sa pa gen danger. C'est l'ambre plaisir moi. C'est l'ambre feeling moi. Tête calé, mette-le cool. Ronaldo, mette-le cool. En allé. Alors on a préparé les choses.